sont les meilleures équipes. Dessinent à leur besten Mannschaften. Chers auditeurs, nouvel épisode de Débattons d'Anguirou. Aujourd'hui, spécial foot, divination, pronostic et prospective. Alors, analyse, débat, pronostic, voyance, le dispositif est-il prêt à tout, chers auditeurs? Aura-t-il recours à toutes les techniques, y compris la voyance, pour vous donner des réponses aux grandes questions que vous vous posez quant à la saison à venir? Eh bien oui, chers auditeurs. Évidemment, le dispositif aujourd'hui, quel est-il autour de la table? On retrouve le virevoltant Dondé. Bonjour Dondé. Bonjour. Le docteur, le sémillant docteur. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Le déroutant Magic qu'on va entendre en duplex du stade et évidemment un petit peu plus tard. Le charmant coach Luc n'est pas là, mais on l'entendra en duplex de la quatrième dimension. Et vous, mon fidèle Brett, bonjour, qui allez nous annoncer le sommaire. Bonsoir Manuel, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Et bien, pour cette première émission, nous avons avec nous une invitée spéciale que nous vous présenterons tout à l'heure, qui est Madame Duberkowski, une cartomancienne fortement célèbre sur Marseille et fortement efficace. Donc nous allons passer un peu de temps avec vous. Nous avons préparé trois questions à vous poser, à laquelle vous nous répondrez avec votre jeu de cartes. Bonjour, merci, oui. Très bien. Nous retrouverons après Magic au stade pour un match formidable que nous vous présenterons avec Dondé. Nous aurons une chronique du docteur et nous aurons la chronique de coach Luc enregistrée, comme vous l'avez annoncé, Manuel. Alors merci, mon cher Brett. Madame Duberkowski, vous êtes donc notre invitée pour cette émission. Vous êtes cartomancienne, vous officiez un peu secrètement à Marseille et vous avez mis au point un jeu de tarot un peu spécial basé sur l'illustration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce jeu de tarot? Donc bonjour à tous. Vous parler de ce jeu à la radio est difficile car il est basé sur les images. Mais je vous invite à le feuilleter et à le découvrir plus tard. On annoncera un peu plus tard sur quels réseaux sociaux ou autres on peut découvrir ce jeu. Et ben, passons tout de suite du coup à la première question que nous allons vous poser. On va expliquer aux auditeurs comment va se dérouler cette émission. On va poser donc, comme vous le disiez Brett, trois questions à notre invité. On va lui laisser le temps de tirer les cartes, d'analyser un peu ça de son côté. Et après, on débattra de ses éventuelles interprétations. La première question, chère madame oui, Duberkowski, que nous souhaitions vous poser, concerne un nouveau joueur de foot de l'OM, nommé Abou Diaby. Abou Diaby, comme chacun le sait, est un pari pour l'Olympique de Marseille, puisque c'est un joueur qui a été longtemps blessé, longtemps sur la touche, alors qu'il promettait un grand talent. Nous voudrions donc savoir, Madame Duberkowski, pardon, s'il vous plaît, quel sera le destin d'Abou Diaby à l'Olympique de Marseille. Alors pour cela, on vous laisse tirer vos cartes, bien sûr, mais sans plus tarder, nous allons rejoindre Magic au stade. Mais avant ça, Brett et Dondé, présentez-nous un petit peu ce match. Bah, mon cher Dondé, je vais vous laisser le présenter. C'est quand même un match exceptionnel que nous avons pour une première émission, un match rare. Il n'y en aura peut-être pas 200 des comme ça, alors je pense que je vous écoute, Dondé. C'est effectivement un match inédit. C'est la très attendue finale de l'Euros Cup, une compétition qui a remplacé dans le cœur des zététistes de tout poil le trophée de l'avenir, qui lui a rendu l'âme. Donc une finale de l'Euros Cup entre deux clubs parmi les plus homériques du moment, le Celtic de Glasgow et le CSKA Sandre de Troyes. Deux très très belles équipes. Deux très très belles équipes. Alors pour cela, on a mis en place un dispositif spécial avec l'ami Magic en direct du stade de l'Alchimichi Bachua Ying et Yang. Ne me demandez pas où c'est, je n'en sais rien. Donc en fait, l'idée c'est que tout le monde, tous les auditeurs vont devoir connecter leur cerveau quand c'est un match qui va s'écouter et se commenter en télépathie avec Magic donc au stade. On écoute Magic. Magic, vous nous entendez ? Oui, bonsoir. Prouesse patente, en effet, que la technologie télépathe moderne. Je vous reçois 5 sur 5. Bonsoir à tous, chers auditeurs qui nous recevez en direct, effectivement, du stade de l'Alchimichi Bachuing et Yang, avec une belle soirée au programme placée sous le signe du football. Il fait encore jour ici, le ciel est dégagé, il a fait beau toute la journée. Le stade de l'Alchimichi Bachuing et Yang est plein à craquer avec des milliers de supporters du CSK Sandre qui ont fait le déplacement et qui arborent les couleurs du club. Le très beau maillot médium orné d'une belle balle de cristal, l'emblème du CSK Sandre. Et de l'autre côté, venus en masse également, les supporters du Septic de Glasgow qui entonnent leur traditionnel chant et magnifique « La vérité est au fond du puits » popularisé par leur capot Démocrite Dvorak. A noter la présence dans le stade de quelques ultras antiseptiques qui ont essayé de brûler calculettes et livres de philosophie en guise de provocation, mais ces individus ont été neutralisés depuis. Plus positivement, on relèvera également dans le stade la présence de l'association Cécifoot. J'ai pas touché haut et je toucherai jamais haut, qui regroupe des joueurs de foot amateurs non-voyants. Voilà pour le début de ce match. Merci, merci Magic. On vous retrouve un petit peu plus tard pour voir le déroulé. Non, vous aviez quelque chose à rajouter, mais Magic, la composition des équipes. Ah, peut-être Magic, si vous l'avez sous les yeux. Tout à fait. Alors, pour le CSK Sandre 2-3, les cages seront gardées par Chilaverti, le capitaine. En défense centrale, Martin Jessetou gardera la maison. Secondé à droite par Pakoul Rabanne, dit Raoul. Et à gauche par Amada Mirma. Dans les milieux, on retrouvera Quinton Fortune, Charles Attan, Bonaventure Kalou, Michel de Notre-Dame, l'excellent Michel de Notre-Dame, et Céter Lucide. Et en attaque, Irma Imovic et Marouak Chaman seront chargés de l'attaque. Pour le club du Septic de Glasgow, le gardien sera Walter Proof, l'insubmersible Walter Proof. Devant lui, on retrouvera en défense centrale Piron Le Fou et Johnny en bloc, le capitaine. Le latéral gauche sera Aristoat pour ce soir. À gauche, ce sera Johnny Too. Et puis dans les milieux, on retrouvera Thomas Sainte, Johnny Lévidence, Embarras du choix, Ken Nenny, des cartes à jouer. Et en attaque, Nansenon Sinclair. A noter que Socrates fera banquette ce soir. Un petit mot sur l'arbitre, peut-être, Magic, qui officiera dans cette rencontre de la finale de l'Euroscope. Oui, alors l'arbitre n'est autre que l'excellent Brésilien Chico Xavier qui foule en ce moment même la pelouse au petit trot. Chico Xavier en finit avec le sandwich au thon qu'il tient dans sa main droite. On sait que Chico Xavier raffole de ses petits encas disponibles à la buvette du stade. Voilà, les acteurs sont en place, les équipes sont rassemblées autour du rond central. Walter Prouve, le très cartésien gardien du Septic Glasgow, vérifie la qualité de la structure de ses buts, tandis que Bonaventure Kalou, le virevoltant ailier du CSK Sandre et son coéquipier Charles Attan, procède à des danses incantatoires avec leurs supporters. Début du match, chers amis, dans quelques instants à peine. Merci Magic. Merci Magic, vous avez été très complet. On va vous retrouver pour suivre cette première mi-temps un petit peu plus tard. Mais l'heure est maintenant grave. Madame Duberkowski a tiré les cartes pour répondre à cette première question. On rappelle cette question à nos auditeurs. Quel sera le destin de Abou Diaby, nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, pour cette saison à venir? Madame Duberkowski, on vous écoute. Bon, écoutez, là j'ai tiré trois cartes assez fortes. La première nous parle de joie. Et il y a 5 balles. Alors, moi je pense, je lis ça comme ça, hein, les esprits me parlent là. Je pense que ce joueur aura une base solide pour 5 matchs. Voilà. C'est pas beaucoup. Mais je vois par contre un petit souci. Oui, oui. Au 6e match, un problème de clavicule. Ah bah ce serait nouveau pour Abou Diaby. Ouais, il n'a jamais été blessé à la clavicule, je crois. Je vois, voilà, un petit souci de clavicule qui malheureusement, malgré le B là, qui nous évoque, c'est un rock, mais 6e match, problème de clavicule. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est le sixième match, pardon, excusez-moi cher Manu, mais il peut très bien intervenir finalement la saison prochaine. Tout à fait. On n'est pas certain que... Qui joue cinq matchs sur cette saison. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette analyse cartomancienne? Non, c'est vrai que je découvre avec vous la cartomancie. Je vois d'ailleurs une clé, est-ce que la clé correspond à la clavicule? Oui, c'est cela. D'accord. Ok, ce ne serait pas une clé de bras d'un éventuel partenaire? Peut-être si vous le dites, mais vraiment, moi, je vois la clavicule. Très bien. Je ne peux que me plier à votre analyse. Brett ou Dundee, un petit mot peut-être sur ce tirage? Finalement, sur la condition d'Abu Dhabi maintenant, c'est assez parlant. J'aime bien les 5 balles, ça peut faire penser à une carrière à 5 balles où s'il fait ses 5 matchs en termes de finances, on en parlait précédemment, c'est quand même assez marrant, ça va pas lui rapporter grand chose son parcours à Marseille parce que Abu Dhabi sera surtout payé à la prime au match, donc ça lui fait une coquette somme, oui, pour un footballeur c'est peu, mais pour nous c'est énorme. Mais et n'oubliez marrant. Pas la brique hein, aussi, la ça brique. Parle d'argent. Alors la brique, le transfert, oui. Voilà. Alors, on peut parler d'une brique aussi au football, parfois pour une sorte de frappe de balle vraiment lourde, mais qui part dans les tribunes. Mmh. Alors, est-ce qu'il va nous faire cette joie-là cette année, l'ami Abu Dhabi? On ne sait pas. Mais peut-être ça peut aussi dire des choses de ce genre-là. C'est un beau tirage. C'est un très beau tirage, Madame Duberkowski. Donc un avenir assez sombre, finalement, pour Abu Dhabi. Non, n'oublie pas les 5 beaux matchs, tout de même. Ah, les 5 beaux matchs. Oui, ce sera 5 beaux matchs, d'accord. 5 beaux matchs ou 5 buts? Au choix. Bon. Écoutez, je crois que nos auditeurs en savent un petit peu plus maintenant sur le destin d'Abu Dhabi. À Marseille, on va faire une petite pause musicale avec un groupe nordique qui nous vient tout droit de Finlande, je crois. Un groupe qui s'appelle Taro, évidemment, et qui va bien sûr mettre l'ambiance dans ce studio. On écoute ça tout de suite. Des bâtons d'Anguirou, foot, divination, pronostic et prospective. Et la prospective, c'est bien évidemment le domaine du docteur. On va vous écouter, cher docteur, pour votre traditionnelle chronique que vous avez choisi de consacrer cette semaine à l'horoscope de rentrée. Chers auditeurs, pour cet horoscope de rentrée, nous avons arbitrairement choisi de vous présenter un florilège de protagonistes footballistiques emblématique des signes astrologiques généralement mobilisés pour cet exercice. Pour le bélier, et en raison des accointances sataniques de l'animal, nous avons opté pour Luis Suarez. Professionnellement, l'année s'annonce sous les meilleurs auspices, il faudra cependant particulièrement se garder des médecins portés sur le dentaire. En effet, rayon santé, les alignements célestes chers à l'Uruguayen lui intiment de surveiller ses dents de devant afin d'éviter le hors-jeu. Taureau, nul n'étant prophète en son pays, les taureaux choisiront l'exil en cours de l'année et ce pour mieux revenir pour les échéances de l'été. Santé, privilégiez la cucaracha à la sangria, méfiez-vous des contrôles inopinés et conservez votre bon humeur. Comme André-Pierre Gignac, tigré pour l'année 2015-2016, mais éternel taureau camarguais dans nos contrées. Gémeaux, le couple de l'année, la brune Olas. Deux facettes ténébreuses d'un job bien rémunéré pour l'instant, mais attention au burn-out. Sexualité, risque de dérapage incestueux. Politique, vous transférez Sinédié Simone Veil au Panthéon. Cancer, côté boulot, c'est une année sans, continuez à en faire le moins possible. Famille, votre inoxydable foyer est menacé par l'UFA au grenier et Cosa Nostra dans le garage. Croissez, multipliez et remplissez vos poches. Courage donc à Sepp Blatter et à sa FIFA, ultime porte-voix du tiers-monde. Lion, emploi. Vous avez bien fait de raccrocher les crampons il y a quelques jours. Vous recevez une invitation du gouvernement US pour former les troupes à Guantanamo. Santé, ne vous entêtez pas à acheter une Porsche Cayenne. Elle est encore moins sûre que la Porsche Baumette. Ex-socialien de la Teranga, vous êtes Souleymane Diawara. Vierge, comme le palmarès de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Emploi, aucune inquiétude, à l'instar de feu votre capitana, il est garanti à vie. Beauté, revenez illico à la brasse et n'oubliez pas quelques tours de terrain avant le printemps et la une de têtu. Enfin, politique, ne fermez pas la porte, il y aura toujours un strapontin ministériel pour les losers. On passe au scorpion, René Guita bien sûr. Emploi, conservez un look discret, comme toujours, sans trop en encaisser. Cœur, vous révélez dans votre autobiographie avoir fait le coup du scorpion affublé d'une perruque sous l'influence d'André Agassi. Fidèle à votre mentor, vous épousez Marinette Pichon lors d'émouvantes secondes noces à Medellin. Balance, nous n'avons pas sélectionné Jacques Glassman, trop facile avec son côté Patrick Dils, mais une bonne partie des équipes de Valenciennes et de l'OM 1993. Emploi, vous recreusez votre jardin pour ouvrir un énième bar-resto. Politique, un boulevard vous tend les bras en fin d'année, surtout en région PACA, étant donné l'absence de discrimination envers les anciens sportifs ayant su mettre les mains dans le cambouis. Capricorne, chèvre à queue de poisson. J'ai nommé Sonny Anderson. Cœur, rendez-vous à l'évidence et partez jouer en Syrie. Média, avec Sven-Goran Eriksson, vous obtenez quelques dividendes sur des ventes de portables avant d'irrémédiablement plonger en 2016, faute d'intelligence artificielle. Sage ITER, en attendant l'explosion façon Cadarache, vous êtes Marcelo Bielsa. Emploi, contre toute attente, vous signez aux Malouines et remportez la Copa América. Santé, vous subissez enfin une discrète ablation des hémorroïdes lors d'un match éliminatoire à Caracas et optez désormais pour le cul sur le barbecue en bord de touche. Verseau, le football anglais qui pourrait se mettre un peu d'eau dans l'ale. Mode politique, sortie de l'Europe pour la Grande-Bretagne et sortie de piste pour la Premier League qui n'accorde désormais de licence qu'aux roues sur trois générations. L'entraîneur bourguignon prend pour la première fois l'Eurostar. David Seaman fait son coming out et rechausse les gants pour Arsenal. Enfin, poisson. Votre mémoire risque hélas de vous jouer des vilains tours à chaque changement de camp. Bien que réputé polyglotte, continuez à opter pour la langue de bois. Côté boulot, méfiez-vous d'un malencontreux transfert dans la capitale lors du mercato d'hiver, vu votre parc automobile. Petit vélo, perdrez-vous ou réussirez-vous à trouver les pédales. Inutile donc de préciser que toute ressemblance avec un personnage réel serait purement fortuite. L'horoscope, comme le football, s'inscrit dans une temporalité météorique, échappant bien heureusement au commun des mortels. Merci, cher docteur. Je dis merci et bravo. Vous, l'habituel sceptique et cartésien, vous vous êtes penché cette semaine sur un domaine, j'imagine, pas nouveau pour vous, mais un domaine qui vous est quand même un petit peu problématique. Effectivement, je n'avais pas tellement l'habitude de m'attarder le soir sur les astres, étant donné la masse de travail que j'additionne à chaque jour. Donc c'était pour moi une forme de nouveau départ, mais quelque part le ciel marseillais m'a guidé, un ciel plus étoilé qu'on ne le croit, et c'est par ce biais que j'ai réussi finalement à, je l'espère, dévoiler quelques facettes de la saison à venir. C'est en cette nuit d'éclipse que vous avez pu concocter cette fameuse chronique. Effectivement, cet heureux mouvement météorique m'a permis tout de même de conclure agréablement cette chronique sur une dédicace à l'ensemble de nos auditeurs qui sont aussi, je l'espère, des footballeurs. Eh bien, merci encore. Bien sûr, on vous retrouve, cher docteur, tout au long de cette émission pour vos sémillantes interventions. On va s'adresser de nouveau à notre invitée, Madame Duberkowski, pour une deuxième question qui nous a posé problème, hein, vraiment, à la préparation de cette émission. On se demande vraiment ce que fait ce personnage, Brett. Ben oui, le personnage en question, le docteur vient d'en parler en plus, c'est très très bien, c'est une proposition déjà que vous avez faite. C'est Marcelo Bielsa, l'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a quitté de manière tonitruante le club au mois d'août, à la suite de du premier match de la première journée contre Caen, une magnifique défaite 1-0 en plus au stade Vélodrome. Donc Marcelo Bielsa est parti, on s'y attendait plus, on y avait pensé à une époque, c'était pas sûr qu'il reste, mais il a décidé de partir pour des raisons qu'il a évoquées, qui sont quand même un petit peu obscures, enfin en tout cas on n'en sait pas plus que ça, financières ou sportives ou traîtrises, ou, enfin on sait pas. Et donc la question qu'on vous pose c'est, que fait Marcelo Bielsa en ce moment même? Eh bien, nous allons tirer les cartes, donc je vais en tirer 3 pour ce tirage-là. Et on va les découvrir ensemble et je vous invite à me donner vos sentiments sur les 3 cartes. Alors, la première... Oh, regardez. Il s'agit du palmier. C'est un palmier. Les tropiques, ça, oui. Ça annonce oui. Pas mal. Alors bon, c'est cette carte, nous allons voir avec les 2 autres, mais cette carte représente un net besoin de vacances. Voilà, et... ou bien une sieste. Donc, nous allons continuer. Je tire la deuxième... La fameuse sieste mexicaine. La deuxième carte qui va nous éclairer. Oh, quelle heure est-il au Mexique en ce moment? Est-ce que vous savez ça? Il est 14h30. Il est 14h30. Voilà la seconde carte, c'est le A, qui représente une ancre. Donc, une ancre de bateau. Écoutez, cette carte nous invite à contacter une personne qui nous manque. Gignac. Peut-être notre protagoniste. Peut-être qu'il va vous envoyer une carte postale, quelque chose comme ça. Bon, nous allons affiner peut-être le tirage. Peut-être qu'il avait l'intention de défiler pour Jean-Paul Gaultier aussi. Possède-t-il un yacht? Se faire un tatouage. Sûrement un yacht. Sur le bras qu'il a mis. Sur un yacht, c'est vrai. Possède-t-il un bateau? Moi, je vois bateau, palmier... Glacière, la plage... Gignac dans les bagages. La dernière. Là, s'il vous plaît. Oh, nous retombons sur la même carte qu'au tirage précédent. C'est la clé. Merde, la clavicule. La clé des champs. C'est ça. C'est la clé des champs. La clé des champs, la clavicule. Là, je lis plutôt la clé d'une maison secondaire dans un pays chaud qu'on peut atteindre en bateau. Peut-être a-t-il une maison à Porquerolles? Écoutez, on va y réfléchir, Madame Duberkowski. On va vous laisser un petit peu de temps pour interpréter un peu et affiner un peu plus sur ces 3 cartes. Mais on va, et parce qu'il est temps, retrouver Magic au stade pour ce match entre le Celtic Glasgow et le CSKA 102-3. Magic, où est-ce qu'on en est? Oui. Eh bien, écoutez, il semble qu'on a un petit problème ici, puisque apparemment, selon les informations recueillies auprès de mes collègues d'Astrofoot, l'arbitre Chico Xavier aurait utilisé le TOS pour s'acheter le petit sandwich au thon dont je vous parlais tout à l'heure. Petit moment de flottement ici, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Chico Xavier ne sait pas à quel sein se vouer ni vers qui se tourner pour effectuer le TOS. Chico Xavier contourne le rond central à la recherche d'une âme sœur. Chico Xavier recule d'un pas, il fouille dans son short, mais rien, les poches sont vides. Chico Xavier attend un signe désespérément. Michel de Notre-Dame explique à son coéquipier et cet air lucide qu'il a lu dans les entrailles du stade le déroulé de ce match à l'avance et que la situation ne l'éteint guère. Le désarroi se lit dans le regard de Chico Xavier. Chico Xavier hésite. Chico Xavier... Pardon, excusez-moi, à la tête qui tourne. Chico Xavier qui court vers la ligne de touche. Il fait un signe en direction du banc et il fait des grands signes. Que dit-il? Impossible d'entendre tant le niveau sonore du stade atteint des sommets de décibels désapprobateurs. Chico Xavier s'en retourne vers le rond central. Il convoque les 2 capitaines, Johnny en bloc pour le sceptique et Thiel Averti, le gardien du CSKA Sandre. Mais que se passe-t-il? Ah, Thiel Averti fait oui de la tête alors que Monsieur Xavier n'a pas encore ouvert la bouche. Tandis que Johnny en bloc refuse tout net de participer à cette mascarade. Il conteste les pseudo-arguments avancés par Thiel Averti, le capitaine du Celtic, et il met en garde ce même Thiel Averti contre toute tentative de prophétie. En bon Thiel Averti en vaut 2, le capitaine du CSKA Sandre semble avoir anticipé la réaction de Johnny en bloc, et Thiel Averti promet une pinte de Talisker à toute l'équipe du Celtic à la fin du match. Bien joué de la part de Thiel Averti. Johnny en bloc approuve un partout et balle au Sandre. Le match va pouvoir enfin démarrer. Il semble que l'arbitre Chico Xavier ait trouvé la solution solution. C'est l'arbitre lui-même, Chico Xavier, que les joueurs vont lancer en l'air pour déterminer l'équipe qui aura le choix du terrain ou du coup d'envoi. Alors face, ça sera pour le CS Cassandre et puis le sceptique. Chico Xavier à la une, Chico Xavier à la deux, Chico Xavier qui décolle et Chico Xavier qui fait un premier retourné sur lui-même. Deuxième rotation pour Chico Xavier qui se rapproche du sol dans un mouvement de ciseau tête plongeante de Chico Xavier. Et finalement, Chico Xavier qui atterrit sur la tête. Que va dire Monsieur Xavier? Que va-t-il révéler? Il se relève complètement sonné. Chico Xavier se tient les côtes. Il a du mal à retrouver sa respiration. Et oh là là, la coup de Trafalgar ici. Chico Xavier siffle un coup franc en faveur du CS Cassandre. Coup franc pour le CS Cassandre de 3. Chico Xavier a perdu les pédales. Première erreur d'arbitrage. L'équipe du Sceptique conteste et demande à revoir l'action. Alors qu'embarras du choix, le milieu québéco-zimbabwéen du Sceptique vient demander des explications. Qui a fait faute? Doit-on toujours siffler faute lorsqu'un joueur fait faute? Pourquoi la faute est-elle toujours entachée d'un soupçon de morale? Je ne vous le fais pas dire, monsieur embarras du choix. Au tempora, au mores. Coup franc donc. Extrêmement dangereux ce coup franc. Très bien placé à l'entrée de la surface, légèrement sur la gauche. C'est un coup franc pour SCTR Lucide qui a des prémonitions dans les jambes. Il a déjà placé son ballon. Le Sceptique de Glasgow dresse un mur de questions devant SCTR Lucide. Des cartes à jouer se perd en calcul de probabilité pour savoir s'il va tirer à droite ou à gauche. Alors qu'SCTR Lucide réclame une main de Piron Le Fou. SCTR Lucide s'élance et Piron Le Fou se recoiffe au moment où SCTR Lucide frappe. Main ! C'est une main de Piron Le Fou sur ce coup franc magistralement tiré par SCTR Lucide directement dans la main de Piron Le Fou. Irma Imovic. Irma Imovic montre du doigt le point de pénalty. Pénalty. Pénalty en faveur du CS Cassandre. Oh là là là là là là là là là là là. L'équipe écossaise refuse de se rendre à l'évidence et vient mettre la pression sur l'arbitre. Chico Xavier digère mal la contestation. Chico Xavier ne supporte pas la pression. Et Chico Xavier qui vomit son sandwich au thon sur la pelouse à Madame Irma. Et Michel de Notre-Dame se précipite sur les restes du sandwich au thon pour lire dans les entrailles de Chico Xavier. Quel est leur verdict? Ah, les deux médiums de terrain confirment la main. Chico Xavier indique le point de pénalty ici au stade de l'Alchimichi. Batchwaying et Young. En faveur du CS Cassandre, Irma Imovic s'empresse de tirer, mais Irma Imovic voit trouble apparemment et c'est l'arrêt de Walter Proof qui n'a pas bouché d'un centimètre. Walter Proof ne prend jamais melon, Walter Proof est insubmersible, Walter Proof a la science infuse, l'arrêt de Walter Proof qui permet à son équipe de respirer. On évite la douche écossaise, 0-0 ici, toujours entre le CS Cassandre et le Sceptique de Glasgow. Merci, merci Magic, quelle animation au stade. Reprenez votre souffle, vous aussi Magic, mais un match qui a l'air vraiment bien lancé, mais toujours 0-0. On retrouvera Magic un petit peu plus tard, bien sûr, chers auditeurs. Des bâtons d'Anguirou spécial divination, pronostic et prospective. On a tiré les cartes avant de retrouver Magic au stade sur cette question: que fait Marcelo Bielsa? Madame Duberkowski, vous avez un petit peu eu le temps d'interpréter votre tirage. Qu'en est-il? Eh bien, je pense pouvoir affirmer que Marcelo Bielsa a quitté le pays à l'heure où nous parlons et qu'il se dirige en bateau vers une île. Là, ça se recoupe. Je pense que ces cartes, donc nous avions tout à l'heure un palmier, une ancre, donc un départ, il a levé l'ancre et j'ai tiré deux autres cartes pour confirmer et nous sommes tombés sur un bateau et une île. Vraiment, là, je crois que à l'heure où nous parlons, il a quitté le pays. Bah, je vous pose la question, chers amis du dispositif, vers quelle île pourrait en ce moment même se destiner Marcelo, El Loco? Bah, sachant que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à l'aéroport de Buenos Aires, c'est ça? Le spécialiste de la région étant le docteur, quelle île pourrait attirer, pour des raisons footballistiques ou autres, l'ami Marcelo? Bien, il me semblait l'avoir prophétisé dans ma chronique. Je pense que, tout simplement, Marcelo Bielsa est aux Malouines. Les Malouines, donc, ces îles, Malouines étant le nom argentin, ces îles qui appartiennent désormais à la Grande-Bretagne depuis la guerre des Malouines dans les années 70, qui ont pris fin, me semble-t-il, en 1978. Voilà, donc, autre nom des îles Falkland. Voilà, je ne vois que ça, à moins que des îles, une île étrangère, enfin une île non métropolitaine au sud-est de la France, une ancienne île italienne, ne soit le lieu de résidence, une île dont deux clubs participent au championnat français, que vous devez très certainement entrevoir, vous aussi, dans cette boule de cristal qu'est la radio. Alors, selon vous, docteur, El Loco voguerait en ce moment même vers les Malouines ou peut-être vers la Corse. Donde, quelque chose à rajouter à ce tirage? Vous aviez parlé tout à l'heure de tatouage, un tatouage sous les palmiers, peut-être. Moi, je pense qu'il est en discothèque à l'heure qu'il est. Il doit être certainement dans une boîte gay. Il faut savoir que Marcelo Bielsa a été une égérie gay lors de son passage à l'OM. Alors, il n'a pas fait la couverture de Tétu. Néanmoins, sous le manteau, beaucoup de photographies de Marcelo Bielsa nu ont circulé dans les milieux. Et donc, à mon avis, il s'est fait tatouer une encre, il mange des palmitos en buvant un cocktail en fait, dans une discothèque. Alors c'est peut-être au Malouine et c'est peut-être du côté d'une île qui nous est proche, comme vous le disiez tout à l'heure, mais voilà. J'ai entendu son en plus, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme ça, j'ai un beat dans l'oreille qui me vient. C'est mieux que ce soit un beat, ouais. Effectivement, mon cher Dundee. Brett, quelque chose à rajouter, docteur? Oui, je vous vois... Oui, effectivement, on aurait pu aussi penser, étant donné l'opération, l'opération chirurgicale que doit subir Marcelo Bielsa, voilà, cette égérie gay, peut-être qu'effectivement il y a eu... à ce voyage peut-être à Caracas, c'est une île à proximité, je ne sais pas, Trinidad et Tobago, voilà, qui, donc dans ce cas-là, peut-être qu'il est en route vers un titre avec la CONCACAF, peut-être qu'il a quitté la CONMEBOL, la Confédération Sud-Américaine de Football, pour s'engager plus au nord, qui sait. Trinité et Tobago, c'est l'île d'Ato Bolton, c'est ça? Exactement, oui. Donc il pourrait peut-être aussi reprendre l'entraînement d'Ato Bolton. Oui. C'est tout à fait possible, j'espère qu'il aura un enlevage de Marcel aussi Altier à la fin de ses courses. Brett, on va parler musique du coup un petit peu, non c'est ça? On fait une petite pause musicale après ce tirage fabuleux de cartes. Merci encore, madame. Absolument d'accord. Madame Dubierkowski, on va parler en musique de l'arbitre du match qui oppose en ce moment le Celtic Glasgow au CSKA 102-3. Chico Xavier, qui est donc Dundee, est un médium fort célèbre au Brésil. Tout à fait, c'est une des personnalités marquantes du XXe siècle au Brésil. Et Chico Xavier, en plus de ses activités d'arbitrage, exerce en tant que médium, mais alors un médium national. Il est à l'origine en fait du mouvement du spiritisme au Brésil, et donc il fait l'objet en fait d'un culte par le peuple, mais aussi par les artistes. Et là, on a une sorte de clin d'œil d'un artiste brésilien qui s'appelle Rogério Skylab, qui lui met en correspondance en fait Chico Xavier et Roberto Carlos. Roberto Carlos, joueur de foot, mais aussi Roberto Carlos, musicien. Et il s'amuse comme ça un petit peu à épingler Chico Xavier et Roberto Carlos. Alors dans cette chanson qui s'appelle donc Chico Xavier et Roberto Carlos, l'ami Rogério Skylab assène deux vérités qui sont bonnes à rappeler apparemment, selon le titre. Il n'y aurait pas que Marcelo Bielsa qui serait une icône gay en Amérique du Sud, Chico Xavier le serait aussi. Quant à Roberto Carlos, il aurait une jambe de bois, on écoute ça. Roberto Carlos tem pelo de pau. Chico Xavier é piado. Roberto Carlos tem pelo de pau. Pau, pau. Chico Xavier é piado. Roberto Carlos tem pelo de pau. Chico Xavier é piado. Roberto Carlos tem pelo de pau. E apesar de tudo, é tão comovente. A verdade explode na cara da gente. A verdade é crua, a verdade é nua. A verdade torce e a verdade estupra. A verdade é puta, a verdade é puta. A verdade trai e nem se incomoda. A verdade grita em poucas palavras. A verdade arde, a verdade arde. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau. Pau, pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem perna de pau. Então era isso o surpreendente. Era tão óbvio, tão evidente. Tava na cara, tava nos modos. Tava na forma e era o bom senso. Era isso, eu ia pensando. A mídia gritava: mentira, mentira. E eu me ligava. ligava e prosseguia tranquilo e fugido. Eu ia dizendo: Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau, pau, pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Decifra o enigma que eu te proponho, o X do problema, a minha equação, a linha de fuga, a minha miragem, o meu oriente, o grande sertões. Decifra o enigma, ando sozinho, eu tô mais distante do que mil Japões. Alô, Malval, eu continuo tranquilo e sereno, seguindo a canção. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau, pau, pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Então era essa a melodia que te perturba os ouvidos poucos. Último gesto, a saideira, o canto do cisne, a minha canção. Então era essa a melodia que te perturba a noite de sono. Meu semelhante, meu companheiro, meu compadre, meu irmão. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau, pau, pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau, pau, pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. Chico Xavier é viado, Roberto Carlos tem cana de pau. E apesar de tudo, é tão comovente. A verdade explode na cara da gente. Chico Xavier et Roberto Carlos, pardon, par Rogerio Skylab. Excellent, c'est le qualificatif du docteur quant à ce morceau qu'il découvrait, comme j'imagine pas mal de nos très chers auditeurs. Débattons d'Anguirou, ça continue avec un absent du dispositif aujourd'hui, un absent. Coach Luc, comment on définirait Coach Luc, chers amis? On ne le définit pas, j'ai l'impression. J'espère qu'il ne nous écoute pas, Coach Luc, désolé, on n'est pas capable de vous définir. C'est quand même dur. Bah, Coach Luc est spécialiste de beaucoup de choses. Et là, il s'est, en sa qualité de coach, attelé à parler de voyance et... On va l'écouter, du coup. Bonjour à tous. C'est en qualité de coach que je prends la parole aujourd'hui pour rendre compte d'une vision de l'avenir de mon métier, née d'une évolution inéluctable dans la préparation de l'athlète du troisième millénaire. Depuis plusieurs décennies, nous assistons à une rapide évolution des techniques d'entraînement. On se rend bien compte aujourd'hui que l'on arrive au bout de leur dynamique maximale et que la progression du football s'est ralentie fatalement. Donc, de nouveaux programmes complémentaires d'avant-garde doivent être inventés si on ne souhaite pas voir le même spectacle se répéter en boucle dans les stades et les médias jusqu'à la fin des temps. Alors que voit-on aujourd'hui? La condition physique et le métabolisme du joueur professionnel se sont optimisés en termes d'explosivité et d'endurance par la mise en œuvre d'outils tels que la musculation, le cardio-training, la diététique et les compléments alimentaires. La médecine du sport a réalisé des avancées déterminantes en matière de physiologie pour favoriser les performances, la récupération et les soins. Le travail tactique s'est renforcé avec l'apparition du jeu sans ballon, le développement de la proprioception et l'utilisation grandissante des technologies multimédia telles que la vidéo et les jeux interactifs. De son côté, la préparation mentale permet à l'athlète de synchroniser la tête et les jambes durant les matchs, de gérer le stress de la compétition pour prendre confiance en lui et rester concentré sur l'objectif quoi qu'il arrive, mais aussi de dominer la douleur de l'effort. Un des outils du coach mental est ce qu'on appelle la visualisation. La vidéo et la médiatisation du football ont beaucoup contribué à son éclosion et son amplification. Alors j'insiste sur ce concept de visualisation, car c'est celui sur lequel je fonde l'essence même de mon coaching à titre personnel, mais celui-ci est celui qui ouvre à nouveau le champ des possibles du management sportif. Donc la visualisation consiste pour le footballeur à se raconter une histoire qui projette l'action à venir de la manière la plus réaliste possible. Dans cet exercice, qui allie cognition et affect, le conditionnement est impératif. La documentation visuelle et la conscience des conditions générales sont aussi d'une importance primordiale. Cette préparation mentale se fonde de manière optimale sur la technique dite du VACOG. V-A-K-O-G, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Pour simplifier le processus, à l'attention de nos auditeurs, c'est un petit peu comme si on réalisait soi-même un de ses rêves prémonitoires. Tout l'enjeu, aujourd'hui, est donc de penser et projeter ce dispositif de visualisation encore plus loin à travers un corpus de recherches scientifiques menées dans des laboratoires de parapsychologie et de neuropsychiatrie. Donc le principe de ces travaux est d'aider l'athlète à muscler sa glande pinéale pour développer son intelligence intuitionnelle. La glande pinéale est un organe en forme de petite pomme de pin situé dans le cerveau, siège de l'âme selon Descartes, parfois décrite dans le milieu médical comme le troisième œil atrophié. Bon, cela étant dit, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'est ici aucunement question de spiritualité, mais bien de sciences dures et humaines. Il a été démontré que l'anatomie corporelle de l'être humain va au-delà de ce que ses yeux peuvent voir. Il s'agit de développer chez le sportif de haut niveau de nouveaux talents qui ne sont fondés ni sur les capacités physiques et biologiques, ni sur des compétences techniques. Il s'agit en réalité d'accroître la réception, l'analyse et la transmission des perceptions extrasensorielles du joueur, c'est-à-dire de multiplier ses forces de clairvoyance, de télépathie et de médiumnité. Alors on comprend aisément l'intérêt de ces recherches sur la psychosphère individuelle qui offre aux footballeurs la possibilité d'atteindre de nouvelles dimensions dans le jeu et bien sûr l'avantage que cela peut lui procurer sur le terrain face à ses adversaires. On découvre ainsi une nouvelle forme de vision, notamment par le développement des aptitudes de précognition. Alors je préfère utiliser le terme de précognition plutôt que celui trop connoté de clairvoyance. Donc cette précognition qui va rendre le jugement du joueur plus sûr par la faculté de prévisualiser les situations à venir et prendre ainsi de fait les bonnes décisions. Alors cette perspective prometteuse et réelle est des plus excitantes pour le coach que je suis. Le monde va indubitablement changer. Les neurosciences confirment que l'on n'a affaire ni à de la magie, ni à un don, ni à des Jedi, mais bien à un psychisme proprement humain et sa forme d'intelligence relationnelle et adaptative qui se cultive, qui se travaille et qui s'aiguise au moyen d'entraînements quotidiens par des protocoles d'exercices de relaxation et de méditation, ainsi que des exercices de perception extrasensorielle, mais aussi des expériences chamaniques et métapsychiques. L'avènement de ces nouvelles capacités psy va révolutionner non seulement le jeu que nous connaissons, mais à court terme le football lui-même dans son entier. Le futur est là. Est-ce que vous le voyez ? C'était Coach Luc en direct de la quatrième dimension. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Coach Luc était un robot en fait. C'était l'esprit de Coach Luc. C'était fameux, cette croquine, on l'appelle comme ça, la croquine de Coach Luc qui fait le point quand même sur les... L'avenir des techniques de coaching. Un gros morceau du football ouais. En perspective. Ma chère Madame Duberkowski, on va encore faire appel à vos talents de cartomancienne pour une troisième et dernière question. Quelque chose qui nous taraude vraiment. Donde, on vous laisse présenter la question. Et qui nous taraude depuis 2010, j'ai envie de dire. Oui. C'est vous dire comme la question nous creuse. Alors, vous vous rappelez sans doute, chère Madame Duberkowski, qu'en 2010, l'équipe de France de football s'est fait remarquer lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud par cet éclatant, ce qu'on a appelé le scandale de Naïsna, qui a résulté dans une grève des joueurs de l'équipe de France qui ont refusé de s'entraîner. Vous vous rappelez de cet épisode douloureux pour nous autres amateurs de football. Et amateurs du drapeau français. Du travail. Et du code du travail, exactement. Et donc, en fait, à l'origine de cette grève, il y a d'abord une sombre histoire de vestiaire, c'est-à-dire que des mots qui ont été échangés dans le vestiaire ont fuité et se sont retrouvés en une d'un quotidien sportif bien connu. Et donc à la suite de ces révélations, les joueurs de l'équipe de France se sont fixés comme mission de trouver la taupe, en fait, qui était la balance, un peu le traître de l'équipe. Ce qu'on aimerait savoir, c'est qui sera la prochaine taupe de l'équipe de France. Vous savez qu'on a une compétition majeure qui va se dérouler sur le sol français, qui est l'Euro 2016 de football, à partir du mois de juin. Et comme on est un petit peu friand d'anecdotes, de sensationnels évidemment, on voudrait savoir qui sera la prochaine top de l'équipe de France. Bon, je vous propose de tirer trois cartes et on va réfléchir à ça. Alors, donc la première, oh là là, elle est entièrement noire. Non, c'est... C'est mauvais signe. C'est très mauvais non, signe. Mais les sombres vestiaires, vous en parliez vous-même il y a peu. De sombres vestiaires. Non, de sombres vestiaires. Alors, la lumière est éteinte. La lumière est éteinte, exactement, et elle porte la lettre Z. Zorro. La seconde carte, alors là, on a allumé la lumière. Hop. Ah, oh, nous retrouvons nos cinq balles. Merde, Abu Dhabi. Abu Dhabi, peut-être. Et elle porte la lettre J, et la troisième carte. Et après, nous allons laisser un petit temps pour nous, bien sûr, nous comme creuser d'habitude. La cervelle. Donc la troisième carte qui nous donne l'ambiance un petit peu de la réponse. Je tremble. Oh là là là là, le silence. Le silence, oh, l'omerta. Donc je vous propose de réfléchir et de nous reparler un petit peu après. Là, c'est du lourd. C'est un peu difficile pour moi de... Tirage voilà, très lourd. On va du coup, pour prendre le temps de réfléchir, faire un petit tour au stade, de voir ce que devient ce match entre le Celtic Glasgow et le CSK 62-3. Magic, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très très bien, oui mes chers amis. Eh bien ici, toujours 0-0, nous approchons de la fin du match et le score donc est toujours nul et vierge malgré les tonnerres d'encouragement qui retentissent dans le stade de l'Alchimie, Chibachuaying et Young. Oh là là là là, attention ! Sur une action à première vue anodine, le Celtic se procure une énorme occasion de but, alors que Michel de Notre-Dame remonte le ballon. Pas cool, Raban, dit Raoul, anticipe et s'engouffre dans l'intervalle, sur de son fait et de sa capacité cosmique à anticiper la passe dans l'intervalle de son prophétique leader. Mais c'est une erreur totale. Michel de Notre-Dame joue en retrait et le ballon est récupéré par Nansen-Nansen-Clair dans une position favorable. Nansen-Nansen-Clair ignore ses coéquipiers. Nansen-Nansen-Clair poursuit sa course, avance vers le but de Chilaverty et déclenche une frappe. Mais sans grande conviction, et celle-ci ne trompe pas la vigilance du gardien du CSK Sandre, qui, au passage, fait admirer toute sa science du placement et de l'anticipation, et qui se permet de chambrer l'attaquant au passage en pointant son index ganté vers un point imaginaire situé entre ses deux yeux. Mais quelle erreur tactique du CSK Sandre. On peut lire sur les lèvres de Michel de Notre-Dame que ce n'est pas la fin du monde, mais quand même, il faut rester concentré, messieurs du CSK Sandre. En tout cas, cette action a eu le don d'énerver le coach du CSK Sandre, qui s'agite sur le bord de la touche, nerveux. On le voit qui lève les yeux au ciel, griffonne sur son petit carnet, marmonne, cherche des solutions avec son assistant. L'inquiétude se lie aussi sur son visage. De crevasse se strie son front soucieux, alors qu'on me glisse dans l'oreillette télépathe que la constellation de Pégase serait en vue dans l'alignement de Neptune. La tension est ici, la tension est palpable dans le camp du CSK Sandre. Marouak Chaman se positionne pour recevoir le ballon, glisse sous son maillot, son amulette. Le portier troyen dégage. Chaman s'élance dans les airs, s'élève au-dessus de ses adversaires et contrôle le ballon de la poitrine. Le ballon semble en lévitation, tandis que Chaman retombe. Il effectue quelques pas de danse et déclenche une transversale inspirée en direction de Pakul Raban di Raoul, qui déborde sur son côté droit. Pakul Raban tricote et élimine son adversaire direct d'un crochet, file sur son aile et s'enferme dans la dentelle, centre fort devant le but. SFR lucide anticipe et fonce au deuxième poteau, mais le centre est trop fort, il est lobé et le ballon tombe dans les pieds d'un joueur du Celtic sur l'aile gauche. Il semblerait qu'il y ait de la friture sur la ligne chez les joueurs du CSK Sandre, embouteillage dans les communications et saturation de données cosmiques. C'est Aristoat qui récupère la balle près de la ligne de touche, mais le joueur refuse le jeu et botte en touche. Il conteste la validité du ballon et demande un autre au petit ramasseur qui s'exécute tout de suite. S'ensuit un moulon incroyable au milieu duquel l'arbitre Chico Xavier vacille, lui qui a déjà souffert de son entame douloureuse et ne peut pas se permettre une autre mésaventure, mais la pression l'étouffe. Au milieu du moulon, il tout saute. Chico Xavier ne trouve pas son sifflet. Chico Xavier trébuche, oh là là, quel gag. Chico Xavier s'étale de tout son long et pousse le ballon sur le pied de Quinton Fortune, le medium fielder du CSK Cassandre. Le ballon sort en touche. L'arbitre se relève et siffle en faveur de l'équipe de Glasgow. Touche pour le Celtic. Nouvelle erreur d'arbitrage. Mais là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une bronca incroyable dans le stade. La touche se joue et les jouets. Charlatan bloque la course de Johnny Too, mais c'est un faux appel. Ce dernier se ravise et le ballon file jusqu'à Descartes à jouer qui contrôle, effectue un passement de jambe, puis un deuxième, une roulette, pose A, puis B, mais rien. Il cherche son bon pied, semble-t-il, mais quel est-il son bon pied? Le droit, le gauche, destra, sinistra. Bon pied, bon œil, mauvais pied, mauvais œil. Mais voilà que des cartes tergiversent au milieu du terrain. Il doute et donc essuie un tacle d'Amada Mirma qui avait clairement lu dans son jeu et prévu son précipité technique. Ce dernier conserve la balle et lance Silvio Destino qui, anticipant le changement prévu par le coach, a pris la place à la pointe de l'attaque troyenne en remplacement d'Irma Irmovic et qui a rejoint sa roulotte aux abords du stade de l'Alchimichi Bachuayingayang pour déguster un bon moule frites nouilles. Pierrot le fou part à la poursuite de l'attaquant, mais soudain arrête sa course, laisse Destino filer vers d'autres mains, en l'occurrence celle imperméable de Walter Proof qui fait le pendule sur sa ligne, et Destino arme son tir et décoche une arme téléguidée qui passe comme une flèche entre les jambes des trois derniers défenseurs qui retiennent leur short à deux mains, et le projectile, le ballon, vole vers le but, et décidément, il est dit que Walter Proof ne prendrait pas l'eau. Le gardien se jette sur sa droite, dévie le ballon qui prenait la direction de la lucarne d'une main ferme, heurte son poteau dans un bruit sourd et se relève. Ce gardien est énorme, étanche et anti-choc. Devant lui, les joueurs du CSK Sandre s'effondrent comme un château de cartes. C'est pas possible, on ne peut pas en rester là. Le sort est contre nous, chers auditeurs. Je vous le dis, le ciel nous en veut. Un but, grand Dieu, mon royaume pour un but. Mais mon petit doigt, Tony, me dit qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, mes canards. Nous y voilà, les arrêts de jeu, le temps mort. Dernière action pour le CSK Sandre de 3 qui fait entrer. Oh là là, Roberto Baggio, il divine Colino, le divin à la queue de cheval, le Pégase italien. Le voilà, le cheval qui va faire taire le sceptique et renverser l'histoire pour l'éternité. Roberto Baggio se positionne à la pointe de l'attaque, juste devant Silvino Destino. Renversement du jeu sur le côté gauche. Bonaventure Calouchaloupe glisse à attends qui temporise. Ne temporise pas trop, garçon. Le temps file et ne reviendra pas. Attends pour Lucide. Lucide en direction de Destino. Transmutation de Destino pour Michel de Notre-Dame. Notre-Dame qui se connecte dans l'au-delà avec Baggio. Notre-Dame qui met sur orbite Roberto Baggio. Les chevaux sont lâchés. Baggio cheveux au vent. Baggio dépossédé. Possédé. Baggio porté par les étoiles. Par la houle, par la foule, Baggio qui enfume en bloc d'une roulette russe, Baggio qui pénètre dans la surface en transe, il est ni, il rue, il cavale, mais face à lui se présente Walter Proof et Baggio, il divine Colino qui dribble l'obstacle, la retourne, Baggio, vini, Baggio, l'éjecté, Baggio, nil satisnici optimum, Baggio, superbia in proiglio, Baggio. Baggio, mais que le foot est bon et que le foot est cruel, mesdames, messieurs, que le foot est cruel pour les vaincus, nul n'en doutera, pas même le sceptique Glasgow. Quelle fin de match à couper le souffle. CSK Sandre 2-3, 1, sceptique de Glasgow 0, et le CSK Sandre 2-3 remporte la coupe de l'horoscope. Voilà mes chers amis, à vous les studios. Papa, merci Magic pour nous avoir fait vivre cette fin de match haletante. Donc le résultat, vous venez de l'entendre, chers auditeurs, CSK Sandre 2-3-1, Sceptique Glasgow 0. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre, mes chers amis? Eh oui, c'était écrit dans les astres. En tout cas, moi, j'avais parié là-dessus. Je ne vous cache pas, beaucoup. Ouais. Et donc, vous avez gagné beaucoup, alors? J'ai gagné pas mal d'argent. Bon, ça, c'est voilà. Cool. On va pouvoir en profiter après cette émission. Madame Duberskowski, on termine l'émission avec vous, avec ce dernier tirage de cartes. On rappelle la question à nos auditeurs. Qui sera la prochaine taupe de l'équipe de France? À vous de nous le dire. Eh bien, je vois... malheureusement, qu'il n'y aura pas de taupe. Beaucoup d'honnêteté dans ces équipes, avec ces joueurs. Je suis au regret de vous dire vraiment que le scandale n'a pas l'air d'arriver bientôt. Pas de croustillant à venir. Ben, écoutez, vraiment, le silence, l'amitié... Vous avez tiré des nouvelles cartes entre-temps. Oui, pour essayer de chercher cette taupe. Elle est cachée bien profondément. Quelles sont ces nouvelles cartes? Figurez-vous qu'on était parti dans le sombre, les vestiaires dans le noir, et j'ai retiré l'éclipse, toujours quelque chose de caché, de sombre, puis l'ampoule. Alors là, la lumière se fait. Moi, je pense que c'est Jacou la fripouille qui s'amuse dans les vestiaires à faire journée. Non. Et une fois la lumière allumée, toujours le silence et l'amitié. Donc, je vois pas de taupe, je suis désolée. C'est plutôt ça, une prophétie très, très positive, ça alors. Ça rassure. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça décevra peut-être croustillant Jean-Pierre. Le fameux croustillant Jean-Pierre. Croustillant Jean-Pierre. Ouais, ouais. Mais quant à nous, nous sommes très heureux. Très confiants pour cette prophétie. Pour l'euro. Docteur, un mot sur cette oui, c'est prophétie. Vrai que Jacouille la fricouille, pourquoi pas, étant donné la pince à linge, symbole de l'amitié. Mais moi, j'aurais peut-être une autre interprétation, étant donné les cinq balles qui me rappellent au numéro floqué sur le maillot d'un célèbre joueur qui a officié pour le Real Madrid. Je vois aussi beaucoup de noir, beaucoup de choses cachées, comme le regard ténébreux de ce joueur lors des grands événements. Ainsi qu'un Z. Un Z. Je vois vous voulez en venir, docteur. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas une taupe extérieure, finalement, à l'équipe? Ça ne m'étonnerait pas. Les joueurs sont OK. Hein, mais dites les mots, docteur. ZZ, voilà. je n'ai que ces deux initiales à la bouche. ZZ comme Zizou. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas voir Zizou se profilant comme l'éventuel successeur de Didier Deschamps, dit Dédé? Il ne serait pas étonnant tout de même que ZZ sème la zizanie pour cette prochaine édition de l'Euro. Voilà. Mais ce ne sont que des cartes et je ne peux pas vous en dire plus, personnellement. Merci, docteur. L'émission touche à sa fin. Le temps de remercier Magic en direct du stade une dernière fois. J'espère que vous avez un petit peu repris vos esprits. Cette fin de match était quand même incroyable. Ah oui, mais quel match, mes amis. Je vous écoute, mais je suis tout encore mouillé de ce match extraordinaire. Merci en tout cas. Merci Magic. On vous retrouve bientôt pour d'autres stades. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir une petite interview de joueur quand même. Ça sur c'est le, vrai. Sur le stade. Mais ça bon, c'est vrai. Le temps nous presse. Il n'a plus d'assistant, Magic. Vous saviez, chers auditeurs, qu'il était avant accompagné généralement du shérif. Et là, le shérif ne nous suit pas pour cette nouvelle saison. On verra, peut-être nous rejoindra-t-il de temps en temps. Le temps de remercier notre invitée, Madame Duberkowski. On peut se procurer votre jeu, je crois. Sur quelle plateforme? Eh bien, je vous invite à taper Madame Duberkowski sur Internet et vous trouverez La Voix ou bien dans quelques librairies marseillaises. Une bonne librairie, j'imagine. Oui, que les bonnes. Dundé, Brett, docteur, merci à vous, c'était une fort, fort belle émission. On peut, juste avant de se dire au revoir, faire l'annonce d'un spectacle qui sera joué les 5 et 6 octobre, ou 6 et 7 octobre, je ne sais plus, Dundé, vous allez nous le dire. Un spectacle de quelqu'un qui nous intéresse beaucoup, Massimo Furlan. Massimo Furlan a plus d'un titre. Les 6 et 7 octobre, effectivement, un spectacle de Massimo Furlan qui nous a ébahis avec sa reprise du match de Platini. C'était le quart de finale France-Allemagne. France-Allemagne, demi-finale 82. Ouais. Ma mémoire me fait défaut. Effectivement, donc Massimo Furlan qui a repris le rôle de Platini il y a quelques années dans un spectacle qui se produisait en fait dans un stade et qui propose sur un texte de Christophe Fiat un spectacle qui s'appelle La Bonne Aventure. Et on vous dira tout, comme disait la compagnie créole. Exactement, à l'époque. Ou de Lali. Et donc qui se pose la question en fait de l'avenir des politiques culturelles et de l'avenir de la culture et des arts en France. Donc on a un excellent spectacle. Un excellent artiste que Massimo Furlan, les 6 et 7 octobre au Théâtre des Bernardines. Voilà, c'est dans le cadre du Festival Actoral. Merci Dundé. Bonsoir à tous, docteur Brett. Bonsoir Manuel. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et à très bientôt. On se quitte en musique. Cette émission était consacrée à la voyance. Eh bien, on va se quitter avec Les Non-Voyants par Omar Penney. Yaya, mommy do call, get ya, me got to say, but did I? Wawa, many of them let it. Anybody in a hot dog, see the marathon, tell him yata, get ya, me man, I can't be them, wawa, many can't let. gaka mika to se patilan wawa manierum la Mika do se patilem, wow, mani yirmle.